Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Ce soir, je vous propose un joyeux mélange de musique d'inspiration orientale, de musique instrumentale, électronique, ambiante, néoclassique, des trucs de Suède, de Turquie, des Pays-Bas, d'Islande, d'Italie, du Japon, de Belgique, de France, d'Angleterre et des États-Unis. Alors, on débute avec Wasi Sabi, du suédois Sven Wunder. Les échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Vous venez d'entendre dans ce premier bloc Feya Dansu du groupe néerlandais Yin Yin. C'est extrait de l'album The Age of Aquarius, un album qui vient tout juste de paraître. Le groupe Yin Yin s'inspire des musiques orientales, asiatiques et tropicales. Ça a été précédé par Hay Adam du groupe turc İpek Yolu. C'est extrait de l'album Tropical Anatolia, un album paru en 2021. Et on a débuté le bloc avec la pièce Wabi Sabi du compositeur-musicien suédois Sven Wunder. C'est extrait de son album Wabi Sabi, un album paru en 2020. On poursuit avec I Am Ocean du musicien américain Laraji. Thank you. êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous ai proposé dans ce deuxième bloc Ocean, une version inédite alternative de la pièce des Velvet Underground. C'est extrait de l'album Loaded, la version du 45e anniversaire, une édition parue en 2015. Ça a été précédé de On the Other Ocean, du musicien américain d'origine autrichienne David Berman. C'est extrait de son album On the Other Ocean, un album paru en 1977. David Berman est un pionnier de la musique électronique et des musiques par ordinateur. On a débuté le bloc avec I Am Ocean, une pièce de 1981 du musicien Laraji, de son vrai nom Edward Larry Gordon. C'est extrait de la compilation Cosmic Tape Experiments 1979-1987. Laraji est un musicien de New York qui a été repéré par Brian Eno à la fin des années 70. Après la pause, une pièce de l'Islandaise Hildur Gulnadottir. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce troisième bloc « Vacant and Encouraging My Trophy House Plant » de la musicienne américaine Celia Hollander. C'est extrait de son album « Recent Futures » qui est paru en 2019. Celia Hollander est une compositrice de bandes sonores, de musique de performance et d'installation. Elle travaille entre autres avec des synthétiseurs modulaires. Juste avant, vous avez entendu la pièce « Buried Deep » du musicien britannique Tom Rogerson. C'est extrait de « Retreat to Bliss », un album qui vient tout juste de paraître. On a débuté le bloc avec la pièce « Vichnaya Pamiat » de la compositrice et violoncelliste islandaise Hildur Gulnadottir. C'est extrait de la bande originale de la série « Tchernobyl », une série diffusée en 2019. On enchaîne avec Moonview de l'américaine Emily A. Sprague. Bon, comment est-ce que vous avez dit? Bon, vous avez dit guitare. Am apportant. Bon, vous avez dit que vous avez dit. Bon, vous avez dit que vous avez dit. Bon, vous avez dit que vous avez dit. Encore bon. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans ce quatrième bloc Incantation Chant du compositeur italien Roberto Mucci, cet extrait de l'album Melanesia, un album qui est paru en 2021. Ça a été précédé par Yearning, de la musicienne japonaise maintenant basée en Angleterre, Inako Omori. Cet extrait de son premier et tout nouvel album, A Journey, qui vient tout juste de paraître. On a débuté le bloc avec la pièce Moon View de la musicienne américaine Emily A. Sprague. Cet extrait de l'album Hill Flower Fog, un album qui est paru en 2020. Thank you. Thank you. De CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Le Petit Chevalier, une pièce composée par la chanteuse Nico, qui est parue à l'origine sur l'album Desert Shore, un album paru en 1970. C'est interprété ici par Le Volume Courbe. Le Volume Courbe, qui est de la musicienne française maintenant basée en Angleterre, Charlotte Marionneau. C'est extrait de son album I Wish Didi Ramone Was Here With Me, un album paru en 2015. Ça a été précédé par Badlands Train du Belge Subtleman, alias Pascal Gabriel. C'est extrait de son album Mountains and Plains, un album paru en 2019. On a débuté le bloc avec Ramesside Dream Manual du musicien américain Lee Evans, aussi connu sous le nom de Hippies Wearing Muzzles. C'est extrait de son album Aphasic Forest, un album paru en 2020. On poursuit avec la pièce Agoromo du musicien japonais Susumu Yokota. Thank you. C'était de l'été. C'est déjà tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Vous avez entendu dans le dernier bloc Marianne Bad de la musicienne japonaise Sonoko Yasuda, ou Sonoko. C'est extrait de l'album La Débutante, un album paru en 1987. Juste avant, vous avez entendu la pièce Bird of Paradise, des Américains Greenhouse. C'est extrait de Music for Leaving Spaces, un album paru en 2021. Et on a débuté le bloc avec Agoromo, du compositeur et musicien japonais Susumu Yokota. C'est extrait de son album Sakura, un album qui est paru en 2000. Susumu Yokota est malheureusement décédé en 2015. Alors, c'est tout pour nous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine.